Nous avons, en vérité, un choix. Entre une participation à ce monde moderne en qualité de partenaire respecté, ou à une absence de grands courants économiques qui nous confinerait très probablement de manière définitive à un rôle de comparse que certains n'ont que trop de tendance à nous réserver. Nous sommes trop conscients de l'impatience de ceux qui nous ont mandatés ici, conscients de leur soif de mieux-être, mais surtout conscients de l'enjeu historique de notre rencontre pour que nous nous engagions résolument dans la voie de l'unité. L'unité, construction difficile, indispensable, passionnante, exaltante tout à la fois. Nous nous ferons injure à nous-mêmes. Si nous doutions un seul instant de la volonté réfléchie de nos illustres collègues ici rassemblés, de leur conscience aiguë des obstacles qui nous attendent sur le chemin de l'unité, chemin difficile, oui, mais chemin de salut pour tous. Lorsqu'il monte à la tribune de la conférence constitutive, Julius Nyerere est depuis un an président de la République du Tanganyika, future Tanzanie, la première colonie britannique d'Afrique orientale à obtenir son indépendance. Julius Nyerere.